Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a publié le 11 courant un entretien qui indique notamment « Décontenancé devant la réussite à l'essai d'explosion nucléaire pour le jugement de la capacité de l'ogive nucléaire effectuée par les scientifiques et techniciens nucléaires coréens dans l'Institut des armes nucléaires, le président américain Obama l'accuse de menaces et de provocations à la paix et à la sécurité et d'insultes aux règlements d'action internationaux. Il prétend également de ne jamais reconnaître notre pays comme détenteur nucléaire et il a publié le 9 une déclaration sur la coopération avec la communauté internationale afin de prendre les mesures majeures supplémentaires. Rappelons que notre essai d'explosion d'ogive nucléaire est une partie de la mesure réelle contre la menace et la sanction de la guerre nucléaire des forces hostiles, les États-Unis en premier lieu, et c'est la manifestation de notre volonté ultra dure d'être prêt à nous opposer à la provocation des ennemis. Nous maintenons la ligne de promotion parallèle du développement économique et nucléaire pour défendre la souveraineté, le droit à l'existence et la paix du pays contre les menaces et chantages nucléaires croissants américains et notre dernier essai d'explosion d'ogive nucléaire fait partie également de son application. Ce sont les États-Unis qui nous ont poussés à l'exploitation d'ogives nucléaires et les menaces et chantages nucléaires américains qui nous répriment en permanence tous les jours pendant des dizaines d'années sont la force motrice qui nous ont poussés jusqu'ici. Il est vraiment ridicule de voir la bande d'Obama qui s'affaire insensément en parlant de sanctions jusqu'à présent où la politique de patience stratégique va bientôt voir sa fin. Comme nous l'avons déjà proclamé, nous continuerons de renforcer aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif nos armements nucléaires nationaux pour défendre la dignité, le droit à l'existence et la paix durable contre la menace de guerre nucléaire croissante des États-Unis.